existe. Et ce matin, moi, je l'ai rencontré dans le quartier latin. C'est pour marcher aux fleurs à une poignée de rue qu'elle m'est apparue. Fleur au milieu des fleurs, la déesse des sables qu'on dit reconnaissable à son visage d'ange. Elle existe et c'est étrange, comme au marché aux fleurs à une poignée de rue qu'elle m'est apparue. Fleur au milieu des fleurs. Une fleur parmi les fleurs occupe mes pensées. Une fleur parmi les fleurs.